Thank you. breath pretend that no one never mind. Bon, on va changer de batterie, Titi. Un truc c'est quoi ça? Rock. Ah, classique rock. Bizarre, il part pas. Cherche une batterie. Looking for a train. Des fois, tu parles anglais pourri alors qu'il est français, mec. Si je le calais, ça serait mieux. Putain, j'ai du mal à le caler, ça fait. un peu fort la guitare, non? Bye.